Anseli, Dush, Clement, Rino, Smoker, Malik, Basta. Un micro pris en Italie, Clément Rino pour donner la réplique à ce qu'on dit. On dit quoi qu'on vous emmerde tous, le rap c'est naturel comme quand je tousse. Une tasse de mon hectare, et même l'état s'éveille quand je pousse. Mairie merveille, les vieux, les vieilles, les jeunes rebelles, belles et simo. Le rap c'est trop sensationnel, pas de sensation pareille pour exprimer ce que j'ai rêvé. Habitue une impro pour les faire rêver, quand le réveil sonne c'est reparti. Nouvelle rap journée dans ma vie, mais si je vise bien j'atteindrai des sommets. Au sommaire, le sommeil d'un nouveau-né. Le rap c'est pour rappeler à ceux qui disent n'importe quoi que je suis pas n'importe qui. Moi je peux emporter n'importe quand, n'importe où. Le hip-hop, le rap, pour certains c'est des sapes, pour moi c'est des textes qui frappent. Et si une visite attrape avec une instru qui t'éclate, fameux boum boum tchak bop bop. J'ai que le tchouk champagne, pour Stéphanie c'est dans l'high. Ça va faire mal carrière, absent faille, j'des fourrailles. Demande aux femmes si je fourre mal, bite et bite paranormal. J'ai mis leur chat dans le formol, elles sont formelles, ouais ça leur fait vraiment fort mal. Où ça goûte de katoum, brigum, tachi, ventard. Amant les femmes, te score patasse au public bâtard. J'avance avec précaution, j'ai tes oreilles en caution. Intellectuel à fond, je t'enverrai pas au fond de mes songes. Y'a pas de rap sans message, pas de mensonge. Même si je m'assagis, le massage va faire mal. Mais sais-je s'il sera compris, maintenant ou qu'après, au pays de caprice. Pas fini, compromis, compris dans le pis. Cependant, j'accomplis mon office, c'est faux, mi fist up. Ça part en fils net, sans fausse note. Vise la phase net, mec, j'arrête. Vu que ça t'irrite jusqu'à ta rate. Et si je te laisse, tu sais que c'est pas parce que je te rate. Tres ailes sont les lettres que non mi fanos mettere. Di crescere, riflettere, man mano che esisto. Non ci sono limiti, rimaniamo sempre stabili. Crescendo, sai, si cerca di andare. Tre semplici lettere non mi fanno smettere di crescere, riflettere, pretendere e connettere. Man mano che qui si va avanti, troppi debuttanti, fi troppo commedianti, nauseanti. Se li senti parlare, tu la puoi pensare pure come ti pare. Se ci tieni, niente freni, ti alleni per domani. Quante mani si intrecciano per amicizia, cerchi di fare sempre la cosa giusta. Prendi e metti in busta quello che catturi, e se maturi, forse duri. Oh, ma tu sei Rino, ti ho visto l'altra sera a cantare, sei un rappista, eh? Ti è piaciuto? Tutto largo, vedere i film americani, ti piace? Sì, ma dove mi piace. Con questa perché? Non lo so. E dove dobbiamo andare? Ma cambiamo, fai karaoke. Tre sai son le lettere che non mi fanno smettere di crescere, riflettere man mano che esisto. Non ci sono limiti, rimaniamo sempre stabili. Crescendo sai si cerca di andare. Dove? Dove si può sfondare l'orgoglio personale, senza sognare, iniziare e terminare abilmente il parere della gente, che è cosciente di non concludere un bel niente. Perché apri la bocca, forse non sai, la tua parola no, non mi tocca. Goccia dopo goccia, il suo vaso si è riempito, quel che cerchi l'avrai, sarai servito. La Franza l'inebito per fartelo capire, son tre lettere che ti farà soffrire. Tre sai son le lettere che non mi fanno smettere di crescere, riflettere man mano che esisto. Non ci sono limiti, rimaniamo sempre stabili. Crescendo sai si cerca di andare.